Bon alors, raconte. Ce matin, je me suis levée tôt, j'ai pris mon petit déjeuner à l'hôtel et... Et tu as rencontré une star ? Non, non, attends. Je me suis préparée pour la conférence et j'ai rencontré Emma dans l'ascenseur. Emma ? Oui, tu sais, notre copine de fac. C'est fou ! Qu'est-ce qu'elle devient ? Elle habite à Bangkok. Elle travaille dans l'hôtel où je me loge. On a beaucoup parlé et elle a promis de me faire visiter la ville avant mon départ. Et au fait...